Est-ce que tu veux voir ma teuf? Est-ce que... Je dis ça à Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui se pose la question. Tout va bien. Est-ce que tu... Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey, you're in. been around.